بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue l'explication de ce livre très important, Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité, de l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. On est arrivé au chapitre Bab man jahada shay'an min al-asma'i was-sifat. Le chapitre concernant celui qui rejette quoi que ce soit parmi les noms et attributs. Ensuite, l'auteur rahimahullah, il nous cite la parole d'Allah Ta'ala, wa hum yakfuruna bir-Rahman. Et ils rejettent Ar-Rahman. Et donc ce qui est voulu barakallahu fikoum par ce titre et par ce chapitre choisi par l'auteur rahimahullah, c'est qu'il est obligatoire à tout musulman d'avoir la foi aux noms et aux attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous avons déjà vu précédemment dans ce livre, on a vu plusieurs chapitres. Aujourd'hui, si je ne me trompe pas, c'est le cours numéro 36. Et donc on a vu plusieurs cours, plusieurs chapitres. Et ici, l'auteur, rahimahullah, il nous montre qu'on a vu précédemment Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans l'adoration, dans la seigneurie. On a vu Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité, on a vu Tawhid al-Rububiyya, l'unicité dans la seigneurie, Tawhid al-Uluhiyya, l'unicité dans l'adoration, et maintenant l'unicité dans les noms et attributs. Taïb, qu'est-ce que l'unicité dans la seigneurie? Voilà, l'unicité dans la seigneurie, le fait de reconnaître l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, le fait d'affirmer l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala dans ses actes à lui. Le fait que c'est lui qui gère, c'est lui le Seigneur, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui crée tout, c'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui accorde la subsistance, tout. L'unicité dans la seigneurie. C'est quoi l'unicité dans l'adoration? Et donc l'unicité dans l'adoration, c'est l'unicité dans nos actes à nous. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait pour Allah tabaraka wa ta'ala. Ça, c'est l'unicité dans l'adoration. Et enfin, l'unicité dans les noms et attributs. C'est le fait de croire à tous les noms et attributs qu'Allah tabaraka wa ta'ala a cités dans son livre et à travers la sunna et à travers la langue de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, bila tashbihin wa la takyifin, sans faire de tashbih, sans faire de takyif. Et tashbih, et c'est pour ça que c'est, les frères, c'est important de noter et tashbihu, le fait de chercher à faire ressembler Allah à ses créatures. Ça, c'est formellement interdit. Lorsqu'on affirme que Allah tabaraka wa ta'ala, il a une main ou il a deux mains, on dit que Allah, les mains d'Allah tabaraka wa ta'ala sont comme cela lui convient, tabaraka wa ta'ala, comme cela convient à sa majesté. Mais on ne dit pas que les mains d'Allah sont comme nous. Et donc, on ne cherche pas à faire ressembler les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala aux attributs de ses créatures. Deuxièmement, bila takyifin. On ne va pas chercher à faire du takyif. C'est quoi le takyif? Et donc, être takyif ou ici dans notre sujet, c'est quoi le takyif? C'est le fait de chercher à dire comment. Kayf. Comment est donc le visage d'Allah? Comment est la main d'Allah? Comment tout ça s'est interdit? Un homme est venu voir l'imam Malik rahimahullah dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'imam Malik, imam Oudar al-Hijra. Il lui a dit, il lui a cité un verset, Ar-Rahmanu ala al-Arshistawa. Le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Kayfastawa. Comment il s'est établi? Comment il s'est établi? L'imam Malik rahimahullah, il a baissé la tête vers le sol. Il a transpiré. Et ensuite, il lui a dit, Al-istiwa'u ma'loumoun. L'établissement sur le trône est connu. Wal-kayfu majhouloun. Comment il s'est établi sur le trône, c'est inconnu. Al-imanu bihi wajibun. La croyance en cela est obligatoire. Wa la araka illa mubtadi'an. Et je vois que toi, tu ne peux être qu'un innovateur. Fa amara bihi fa ukhrij min al-masjid. Ensuite, l'imam Malik rahimahullah, il a ordonné qu'on fasse sortir cet homme de la mosquée. Et l'on fait sortir de la mosquée. C'est pas la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ça que j'ai dit à certains frères. Lorsqu'on laisse venir des gens avec des croyances déviantes dans des mosquées pour propager ces croyances-là, donner des cours, etc. Non, non. Il vient avec une croyance déviante, dehors. Sorcier, mubtadi', tout ce que tu veux qui contredit la voix d'Allah, tabaraka wa ta'ala, c'est là, sur le ciment là, pas sur le carrelage. Sur le ciment là, je ne peux rien dire. Sur le carrelage, non. Non, non, non. C'est une responsabilité de ne pas laisser les gens propager des croyances déviantes dans les mosquées où les musulmans vont écouter ces déviances et les suivre. D'ailleurs, on voit dans ce chapitre le fait qu'il est obligatoire d'affirmer les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et sachez, barakallahu fikoum, qu'il y a énormément de groupes qui ont dévié dans ce sujet, qui ont rejeté les attributs d'Allah, azzawajal, et les noms d'Allah. Parmi ces groupes-là, on a bien entendu Al-Jahmiya Al-Mu'tazila, Jahmi Moussafouen, qui a rejeté, ils ont rejeté les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-Jahmiya, ils ont rejeté les noms. C'est-à-dire, ils te disent les noms, quand on parle Esma'ullah, les noms d'Allah, c'est-à-dire les noms que Allah a créés pour lui. Cherchez à comprendre. Les noms qu'Allah a créés pour lui. Et donc, ça veut dire que si un jour tu dis Ya Rahman, tu as fait du shirk. Parce que tu as appelé une créature. Ya Aziz, tu as fait du shirk. Ya Jabbar, tu as fait du shirk. Ils vont te dire, ça qu'il faut dire, c'est Ya Man Ismu Rahman. Ô toi dont le nom est Rahman. Ya Man Ismu Al-Aziz. Ô toi dont le nom c'est Al-Aziz. Ya Man Ismu Al-Jabbar. Ya Man, ô toi celui dont le nom est Al-Jabbar. Mais tu ne peux pas dire le nom directement parce que le nom a été créé. Selon eux, bien entendu. Et donc ces gens-là ont rejeté les noms et attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Jama'a tutabliya, comme vous avez vu, eux ils ont rejeté beaucoup d'attributs. Beaucoup, beaucoup d'attributs parmi les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Parmi ces attributs, le fait qu'Allah soit établi sur son trône, la main, les mains d'Allah, le visage, le fait qu'Allah descende hein, au dernier chair de la nuit. Ils n'affirment pas, ils n'y croient pas. Et ceci, barakallahu fikoum, c'est de la mécréance. Ni plus ni moins. C'est de la mécréance. Pourquoi? Parce que Allah tabaraka wa ta'ala a affirmé quelque chose et toi tu viens, tu dis non. Tu dis non. Allah azzawajal dit dans son livre Bel yadahu mabsoutatan. Mais ses deux mains sont ouvertes. Non. Ils vont te dire non. Allah tabaraka wa ta'ala te dit qu'il est tout miséricordieux, tu vas dire non. Ici, Allah azzawajal, il parle de qui? Lorsqu'il nous dit « Wahum yakfuruna bi Rahman ». Et il ne croit pas au Rahman, il rejette le Rahman. C'est qui? C'est les polythéistes. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait faire un pacte avec les koufars de Quraysh, hein, le pacte d'Al-Hudaybiyya, eh bien, les koufars de Quraysh, le prophète Souhayl, il est venu, il n'était pas encore musulman. Et donc, les koufars de Quraysh, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils devaient signer un pacte ensemble. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit d'écrire Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont dit Man adri ar-Rahman. On ne sait pas ce qu'est ar-Rahman. Nous, la seule chose qu'on connaît, c'est Uktub Bismillahumma. Écrit Bismillahumma. Ar-Rahman, non, on ne sait pas qui c'est. Et donc ils ont rejeté le nom Ar-Rahman, mais eux ils croient en Allah. Ils disent pas on ne croit pas en Allah, ils croient en Allah. Par contre le nom Ar-Rahman, ils ne l'ont pas voulu. Et donc ça c'est comme toutes les sectes après, qui se sont affiliées à l'islam, qui vont croire en Allah et qui vont rejeter les noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. « Wahum yakfuruna bir-Rahman » Et donc ces gens-là, par exemple, ils vont utiliser beaucoup de choses, pour beaucoup d'arguments pour rejeter des attributs d'Allah. Concernant la main d'Allah, Allah Azzawajal qui nous dit « Yadehu mabsutatan » Ses deux mains sont ouvertes. Eux, ils vont nous dire quoi? Ils vont nous dire ce qui est voulu ici, c'est « Al-Ni'ma ». « Al-Yad », c'est « Al-Ni'ma ». C'est pas la main. Alors on va dire, mais comment ça? Allah, il a cité deux mains. « Yadehu », c'est deux mains. Oui, oui, c'est deux « Ni'ma ». Sont ouverts. Et donc, ils vont chercher à changer le sens des mots. Comme on a Ar-Rahmanu ala l'arshi istawa, le tout miséricordieux s'est établi sur le trône. Ils vont dire, c'est pas istawa, c'est istaula. Istaula. Istaula, ça veut dire quoi, istaula? Istaula, ça veut dire avoir le dessus. Avoir, c'est le fait de conquérir. Et donc ils vont dire, ce qui est voulu, c'est que Allah a conquis le trône. Tu vas dire, ok, qui était sur le trône avant Allah? Qui était sur le trône avant Allah? Et donc ces gens-là, ils vont chercher, ils vont tout faire pour rejeter les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala, chercher de fausses explications. Et tout ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est de la mécréance. Et donc on voit dans ce verset que l'auteur a cité, rahimahullah, on voit premièrement le fait que Ar-Rahman fait partie des noms d'Allah, tabaraka wa ta'ala. On voit aussi que toute personne qui rejette donc ce nom-là, le nom Ar-Rahman, et ce nom qui comprend l'attribut de la miséricorde, toute personne qui fait cela, alors cette personne va mécroire en Allah. Yakfur. Allah, tabaraka wa ta'ala, il a bien cité, wahum yakfurun. Et donc, il mécroit. On a aussi dans la croyance au nom et attribut, le fait que tout nom d'Allah implique un attribut. Quand on croit en Ar-Rahman, Ar-Rahman, ça veut dire donc l'attribut de la miséricorde. Al-Aziz, l'attribut de la puissance, etc. On n'est pas comme certaines sectes qui vont dire, oui, on affirme les noms, mais on n'affirme pas les attributs. Ils vont te dire, Allah, c'est Al-Alim, mais il n'a pas de science. Al-Basir, mais il ne voit pas. Al-Samir, mais il n'entend pas. Etc, etc, etc, etc. Et donc pour eux, eux, ils affirment des noms qui n'ont pas de sens. Ils affirment des noms qui n'ont pas de sens. Ça, ce n'est pas la voix de Ahlu Sunnati wal Jama'a. Ce n'est pas la voix des salafs. Ce n'est pas la voix des plus prédécesseurs. On va le voir, Inch'Allah, dans ce chapitre. L'auteur qui nous dit, Wafi Sahih al-Bukhari. Qala Ali, hadithun nasa bima ya'rifun, aturiduna an tukadhib, an yukadhib Allah wa rasuluhu. Dans Sahih al-Bukhari, Ali radiallahu anhu qui dit « Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils comprennent. Est-ce que vous voulez que Allah et son messager soient rejetés ?» C'est-à-dire que si tu abordes des sujets qui sont trop compliqués pour les gens ne vont pas comprendre et ne vont pas y croire. Ici, les savants, ils ont abordé le sujet. Pourquoi est-ce que l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a cité ce texte ici dans ce chapitre? Ils disent pour montrer qu'on ne va pas rentrer profondément dans les détails concernant les noms et attributs. Mais ici, ce qui était voulu par ce chapitre, c'est juste nous montrer de manière générale qu'on doit affirmer tous les noms et attributs d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Mais qu'on ne va pas rentrer dans les détails, il y a ce sujet-là, c'est un sujet où il y a de longs débats. Et j'espère, bi'idnillah, qu'ici en Martinique, on pourra arriver à un niveau où on pourra lire des livres qui sont beaucoup plus poussés dans le sujet. On a déjà le Wasitiya, hein? Al-Hamawiyya, Al-Tahawiyya, hein? On a Al-Kafiyya Tushafiyya, Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il y a beaucoup d'écrits qui sont beaucoup plus poussés dans ce sujet, mais ça ne convient pas d'étudier cela aujourd'hui. On n'est pas encore prêt. Ensuite, l'autre qui dit « Wa rawa Abdul Razak an Ma'mar, an Ibn Tawus, an Abihi, an Ibn Abbas » Et donc, Abdul Razak, il cite dans son Musannaf, avec la chaîne de transmission qui va jusqu'à Ibn Abbas, radiallahu anhuma, annahu ra'a rajulan intafada lamma sami'a hadithan 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sifat istinkaran lidhalik. Ibn Abbas, il a vu un homme qui a sursauté. Il a sursauté lorsqu'il a, cet homme-là, lorsqu'il a entendu un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les attributs. Il a sursauté pour rejeter cela. C'est comme si tu entends une parole de kouf, tu es là, tu écoutes un cours, tu entends une parole de mécréance, tu sursautes. Tu dis, comment ça il dit ça là? Abdelkarim, qu'est-ce que tu nous dis là? Et donc cet homme-là, Ibn Abbas, il a vu que cet homme, il a sursauté lorsqu'il a entendu un hadith qui abordait les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors il a dit, Ibn Abbas, mais farraqa ha'oula. C'est-à-dire, mais khawafa ha'oula. Qu'est-ce qui fait peur à ces gens-là? Qu'est-ce qui leur fait peur? Yajiduna riqatan inda muhkamihi wa yahlikuna inda mutashabihi. Ils trouvent de la. Et donc, ils arrivent à accepter les textes clairs, mais ils n'acceptent pas les textes qui portent à l'équivoque. Ils ont du mal avec les sifats, avec les attributs. Lorsqu'ils vont voir que Allah descend, hein? Ils vont voir que Allah a des mains, hein? Ils vont voir que Allah a des doigts. Hein? Comment ça, Allah, il a des doigts? Oui, dans Sahih al-Bukhari. Ils vont voir que Allah parle. Comment ça, Allah parle? Allah vient? Comment ça? Est-ce que ça veut dire que Allah a un corps? Ils vont commencer à chercher des explications pour rejeter tout cela. Et donc, ces gens-là, ils ont du mal avec les noms et attributs. Et subhanallah, cette parole d'Ibn Abbas, elle nous montre quoi, aux chers frères? Elle nous montre que la voix des sahabas, la voix des pieux prédécesseurs, c'était le fait d'affirmer les noms et attributs. Ne pas sursauter comme ça quand on entend un attribut, comment ça c'est bizarre. Allah il a dit qu'il parle, il parle, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Il est où le problème? Ouais, mais s'il parle, ça veut dire qu'il a une bouche. S'il a une bouche, ça veut dire qu'il a des lèvres. S'il a des lèvres, ça veut dire qu'il a... On t'a pas dit ça. Est-ce qu'il a dit qu'il parle? Il parle, un point c'est tout. Et donc, barakallahu fikoum, la voix des sahaba, la voix des gens dont Allah sabbata baraka wa ta'ala est satisfait d'eux. Les gens qui vont au paradis, wa kullan wa'adallahu l'husna, à tous, à chacun d'entre eux, Allah a promis le paradis. Les compagnons, leur voix, c'est le fait d'affirmer les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, l'auteur qui nous cite justement le texte qu'on a vu tout à l'heure, lamma sami'at quraishun rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yadhkuru ar-rahman ankaru dhalika fa anzala Allah tabaraka wa ta'ala fihim wa hum yakfuruna bir-rahman. Lorsque Quraysh, ils ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam citer ar-rahman, ils ont rejeté cela et Allah tabaraka wa ta'ala fait descendre sa parole, wa hum yakfuruna bir-rahman, et ils rejettent ar-rahman. On prend le deuxième chapitre inchallah rapidement, bismillah, il n'est pas très long. L'auteur qui nous dit, inchallah, l'auteur qui nous dit après cela, bab ou qawlillahi ta'ala, le chapitre concernant la parole d'Allah, le Très-Haut, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah et ensuite ils le rejettent, et la plupart d'entre eux sont les mécréants. La plupart d'entre eux sont les incroyants. L'auteur qui nous dit, rahimahullah, qawl al-mujahidun ma ma'nahu huwa qawl ar-rajul hadha mali warithtuhu an abai. Et donc ensuite l'auteur il commence à nous citer plusieurs explications des savants quant à ce verset. Alors il nous dit, Mujahid a dit que ce qui est voulu ici, c'est l'individu qui va dire, ceci est mon argent, je l'ai hérité de venant de mes parents, je l'ai hérité de mes parents. Il va dire, ceci est mon argent. Et donc, ils reconnaissent le bienfait d'Allah et ils le rejettent. Ceci est mon argent. Je l'ai hérité de mes parents. Wa qala Aoun ibn Abdullah yaqulun law la fulan lam yakun kadha. Aoun ibn Abdullah, il dit l'explication, ce qui est voulu ici dans ce verset, c'est que la personne, elle dise, sans un tel, on n'aurait pas eu telle chose. Sans un tel, on n'aurait pas eu telle chose. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas attribuer ce bienfait à Allah tabaraka wa ta'ala. Ils vont attribuer à la personne, sans un tel, on n'aurait pas eu telle chose. D'accord ? Wa qala Ibn Qutayba yaquluna hadha Bishafa'ati alihatina. Ibn Qutayba ici, il nous cite une parole, ça c'est de la mécréance. Là, c'est de la mécréance. Les musulmans, ils ne disent pas ça. Les deux paroles qu'on a vues avant, ça dépend. Il y a des explications, mais on le verra, inshallah ta'ala. Par contre, cette troisième-là, c'est de la mécréance pure. Le fait que certaines personnes vont dire, ceci se fait par l'intercession de nos divinités. Ça, les musulmans ne disent pas cela. Wa qala Abu al-Abbas ba'd al-hadith Zayd ibn Khalid alladhi fihi wa anna Allah ta'ala qala asbaha min 'ibadi mu'minun bi wa kafir al-hadith wa qad taqaddama wa hadha kathirun fi al-kitab wa sunnah yadhum subhanahu man yudifu in'amahu ila ghayrihi wa yushriku bihi. Et donc ici Abu al-Abbas il dit après le hadith de Zayd ibn Khalid, donc le hadith où Allah tabaraka wa ta'ala, le hadith Qudsi, où Allah tabaraka wa ta'ala, il dit, certains de mes serviteurs se sont retrouvés à l'aube croyants et d'autres incroyants. Le hadith. Et donc, il dit que ce qui est voulu ici, c'est que donc, ça arrive souvent dans le livre et dans la sunna, que Allah tabaraka wa ta'ala, il va blâmer ceux qui vont attribuer, affilier ses bienfaits à lui, à d'autres. Et donc ces gens-là vont faire du polythéisme. C'est Allah qui t'a donné le bienfait et toi tu vas dire que c'est quelqu'un d'autre. Allah qui t'a donné cet argent, tu vas dire non, c'est un tel qui m'a donné. Tu rejettes donc le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Wa qala ba'du salaf huwa ka qawlihim kanat ar-rihu tayyibah wal mallahu hadhikan. Et certains des pieux prédécesseurs, ils disent ce qui est voulu par là, c'est comme la personne lorsqu'elle va dire le vent était bon et le marin, il maîtrisait. Le marin, il était donc expert. Le marin était expert. Et autre explication que cela qui ont été données concernant donc ce verset. Le Cheikh Ubayd al-Jabiri, il nous dit « Wa hasilu hadha al-bab fi umur ». Il nous dit donc, en résumé, donc ce chapitre contient donc plusieurs points. « Al-amru al-awwal » وجوب شكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة. Le fait qu'il est obligatoire de remercier Allah tabaraka wa ta'ala quant à ses bienfaits qui sont apparents et cachés. وشكر الله على نعمه يتحقق للعبد بثلاثة أمور فمن استجمعها كان شاكرا لله سبحانه وتعالى. Et le fait de remercier Allah se concrétise par l'application de trois éléments. Et celui qui réunit ces trois éléments aura remercié Allah tabaraka wa ta'ala. Premièrement, al-ikraru bin ni'mati batinan. Premièrement, le fait d'accepter le bienfait d'Allah en toi-même. Donc Allah il t'a donné un bienfait, tu le reconnais que Allah il te l'a donné. Que c'est Allah qui t'a donné ça, c'est pas toi par ta force, par ton expérience, par ton intelligence, etc. Non, c'est Allah qui te l'a donné. Thaniyan at-tahadduth biha zahiran. Deuxièmement, le fait de parler de ce bienfait. Le fait de parler de ce bienfait, kaqulika alhamdulillah najahtu fil ikhtibar. Le fait de parler de ce bienfait comme le fait de dire alhamdulillah, j'ai réussi l'examen ou autre. Alhamdulillah, Allah m'a accordé tel bienfait. Alhamdulillah, Allah m'a donné ci et ça, etc. Et donc tu parles du bienfait qu'Allah tabaraka wa ta'ala t'a accordé. Wa amma bi ni'mati rabbika fa hadith. Concernant les bienfaits de ton Seigneur, alors parle. On doit parler des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Thalithan sarfu ni'mati Allah fi maradi wal isti'anatu biha 'ala dhalik. Troisième point, c'est le fait d'utiliser les bienfaits d'Allah dans les causes de sa satisfaction. Tu ne vas pas utiliser les bienfaits qu'Allah t'a donné dans le péché. Allah t'a donné de l'argent, utilise l'argent dans son obéissance. Allah t'a donné la vue, utilise cette vue dans son obéissance. Allah t'a donné l'intelligence, utilise cette intelligence dans son obéissance. Et donc il est important de remercier Allah, tabaraka wa ta'ala. Tayyib, on a presque fini les frères. Donc concernant le verset qu'a cité l'auteur, rahimahullah, يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ. Ils reconnaissent le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala et ensuite le rejettent. Et la plupart d'entre eux sont les incroyants. Le verset juste avant, il dit tabaraka wa ta'ala fa in tawallaw fa inna ma 'alayka al-balagh al-mubin. Si ils se détournent, donc du rappel, alors certes, ce qui t'incombe, c'est donc la transmission claire. On comprend donc ici, barakallahu fikoum, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa seule obligation, c'est le fait de transmettre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa seule obligation, c'est le fait de transmettre. Et c'est pareil pour tous ceux qui suivent les prophètes, les héritiers des prophètes, les savants, et ceux qui sont avec eux parmi les étudiants, les prédicateurs, les imams, etc. Leur seule obligation, c'est de transmettre. Il ne peut pas te forcer à faire quoi que ce soit. Il te transmet. Il n'est responsable que de cela. Deuxième point, deuxième élément. Walaykoum salam. Et le deuxième élément est très important. C'est que ces gens-là, parmi les bienfaits d'Allah qu'ils ont rejetés, c'est que Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé vers eux le prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les bienfaits d'Allah qu'ils ont rejetés, le fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait envoyé vers eux le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, ils savent très bien que c'est un bienfait. Ils savent très bien que c'est un véridique, qu'ils ne mentent pas, mais ils ont rejeté cela. Ici, les frères, je vais vous citer un hadith qui est dans Sahihayn, Al-Bukhari et Muslim. D'après Ibn Abbas, rajallahu anhuma, qui dit, lorsque Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre sa parole, wa anzir ashirataka al-aqrabin, et avertit tes proches, avertis les proches de ta famille. Sa'ad al-Nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ala Safa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur la montagne de Safa. Et il s'est mis à appeler les tribus de Quraysh. Ya Beni Adi, ya Beni Fihrin. Il a commencé à les appeler, à rassembler les tribus de Quraysh jusqu'à ce qu'ils furent rassemblés. فجعل الرجل إذا لم يستطع أن يخرج أرسل رسولا لينظر ما هو. Et donc celui qui n'avait pas la capacité de sortir, de venir près de la montagne pour écouter ce que le prophète Mohammed avait à dire, il envoyait quelqu'un pour écouter à sa place pour voir ce qu'il y avait. Parce que le prophète, il est sorti. Oh Quraysh, oh Beni Etel, oh Beni Etel, oh Beni Etel. Et donc les gens se sont rassemblés. Ils se sont rassemblés. Lorsqu'ils se sont rassemblés, ici, il nous dit, Na'bas, Ja'a Abu Lahab wa Quraysh. Abu Lahab ainsi que Quraysh, ils sont venus. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Era'aytukum law akhbartukum anna khaylan bil wadi turidu an turira alaykum, akuntum musaddiqi. Il leur a dit, voyez-vous, si je vous disais qu'une armée était dans la vallée et qu'elle devait nous attaquer, est-ce que vous m'aurez cru? Kalunam. Ils ont dit oui, on t'aurait cru si tu nous disais cela. Mais jarrabna alayka illa sidqan. Nous ne connaissons de toi que la vérité, que le fait que tu dis la vérité, tu ne mens pas. Alors lorsqu'ils lui ont dit cela, il leur a dit, fa inni nadhirun lakum bayna yaday adabin shadid. Certes, je suis un avertisseur envoyé vers vous avant la venue d'un châtiment douloureux. Fait qu'on est Abu Lahab tabban lek. Abu Lahab, il a dit au prophète, tabban lek, que tu périsses. Elle dit, hé, jama'atana, est-ce que c'est pour ça que tu nous as rassemblés? Juste avant, ils étaient en train de dire que c'est un véridique. Et là, maintenant qu'il leur dit, je suis venu vous avertir contre un châtiment douloureux, tabban lek, que tu périsses, est-ce que c'est pour cela que tu nous as rassemblés? Et c'est là que Allah tabaraka wa ta'ala, il a fait descendre sa parole, tabbat yada abi lahabi wa tab, que périssent les deux mains de Abu Lahab et qu'ils périssent. Mais arna anhu maluhu wa ma kasab, c'est bien qu'il a et ce qu'il a amassé ne lui suffisent à rien, ne lui sont d'aucune utilité. Et donc les gens, ils reconnaissent la vérité et ensuite ils la rejettent. Troisième point qu'il y a dans ces versets qu'a cité l'auteur, rahimahullah, c'est le troisième et le dernier point, c'est que la plupart des gens sont dans la déviance. La plupart des gens sont les incroyants. Et donc si tu suis la mode, hein, surtout les jeunes, écoutez les jeunes, si vous suivez la mode, je répète, si vous suivez la mode, sachez que la plupart des gens sont égarés. Alors ne suivez pas la mode. La plupart des gens sont égarés. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit dans son livre, wa ma aktharu an-nasi walau harasta bimu'minin. La plupart des gens, même si tu t'efforces, ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants, la plupart des gens. Ne cherchez pas la mode. Ne cherchez pas à suivre les gens, que ce soit les jeunes de votre âge, ce qui se passe à la télé, les écoles, les universités, tout. La plupart des gens sont égarés. La plupart. La majorité des gens sont égarés. Ne suivez pas la majorité. Taïeb, concernant le fait qu'une personne, elle va dire ça c'est mon argent, c'est moi qui l'ai gagné, etc. etc. Ici, dernier point qu'on voit, barakallahu fikoum, il y a deux points à reconnaître clairement. Si une personne, elle dit cela pour rejeter le bienfait d'Allah, c'est mon argent que j'ai hérité. Elle dit ça pour rejeter le bienfait d'Allah sur elle. Alors là, cette parole, elle est grave. Et cette parole-là, elle peut parvenir jusqu'à la mécréance et faire la personne sortir de l'islam. Tu n'as pas le droit de rejeter des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala sur toi. Deuxième cas, c'est le cas où la personne, elle va dire ça, c'est pas pour rejeter le bienfait d'Allah. Elle dit cela pour montrer la cause. Elle dit cela pour citer la cause. Hein? Quelqu'un vient, quelqu'un voit tout l'argent qu'elle a. Non, mais t'inquiète pas, c'est juste mon héritage. C'est mon héritage, je l'ai hérité. Ça fait pas longtemps que j'ai ça. Ou alors, qu'est-ce qui a fait ça? Ah, c'est telle chose. Quelle est la cause qui a fait que tu as ça? C'est telle cause. Etc. etc. Mais la personne, elle ne dit pas ça pour rejeter le bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ici, il n'y a pas de mal. Inch'Allahu ta'ala. Et donc, nous, on va arrêter là. Pour aujourd'hui, inshallah, waffaq Allah al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khayran.